Donc je demande à Antoine Moreau, Benjamin Jean, Monsieur Mo et Jeff Chalaf de me rejoindre. Antoine Moreau, vous êtes chargé de cours d'art plastique à l'Université Paris 8, doctorant en sciences de technologie et de l'information et de la communication à Nice Sophie Antipolis, initiateur de Copyleft Attitude et de la licence Art Libre. Vous exposez actuellement à la galerie Duplex à Toulouse des dessins Copyleft. Benjamin Jean, vous êtes juriste, spécialiste des licences libres dans les domaines du logiciel, de la musique et de l'écrit. Vous réalisez actuellement une thèse consacrée aux contrats de libre diffusion et de contenu numérique et système collaboratif. Monsieur Mo et Jeff sont là et je vous les ai présentés tout à l'heure. Donc, les solutions d'avenir, quelles sont-elles? Donc, il y a eu des choses qui ont été dites dans la vidéo. Certaines, on les avait déjà abordées dans le débat auparavant. Donc, je vais vous demander, messieurs, parce qu'il n'y a absolument aucune femme dans les tours de table, d'être bref pour qu'on puisse avoir un échange avec la salle dans la foulée. On commence par qui? Par Benjamin? Antoine? Pour peut-être aborder les solutions d'avenir, ce serait intéressant de voir les solutions présentes. Et les solutions présentes, elles ont été mises en place déjà depuis 10 ans. Et notamment lorsqu'en 2000, des artistes ont réfléchi à la pratique, à leur propre pratique, en regard avec ce qui se passait sur l'Internet et notamment la création en logiciel libre. Quand ils se sont aperçus de la formidable créativité des logiciels libres, qu'ils ont essayé de comprendre ce qui se passait avec le numérique et avec le transport réticulaire de l'Internet, et qu'ils ont mis en place un outil juridique copié, inspiré sur la General Public License des logiciels libres, celle qui a permis Linux, et ça a été la rédaction, donc en juillet 2000, de la licence Art Libre, qui a été la première licence de type copyleft pour la création hors logiciel. Donc c'est une licence qui autorise légalement, elle s'appuie sur le droit d'auteur, elle autorise légalement la copie, la diffusion et la transformation des œuvres. Elle interdit, et ça c'est la garantie, c'est la protection des droits d'auteur ainsi révisés, revisités, reformulés, elle interdit l'appropriation exclusive des créations qui ont été mises ainsi en commun. C'est-à-dire ce qui appartient à tous appartient à chacun et vice-versa. Donc voilà, la question de la protection des droits d'auteur, si on observe bien le matériau numérique, si on observe bien ce qui se passe comme puissance de création avec l'Internet, c'est un peu un renversement de cette notion de protection. Il ne s'agit plus de protéger l'exclusivité d'une création, mais au contraire de se protéger de l'exclusivité d'une emprise propriétaire sur quelque chose qui a été ainsi mis à disposition, non pas gratuitement, mais gracieusement. Gracieusement, ça veut dire par la beauté du geste de la création. Donc cette chose a été mise à disposition du public, et du public lui-même auteur, puisque le public est lui-même aujourd'hui auteur, co-auteur et recréateur. Donc on protège ainsi la collection, la création avec des licences libres de type copyleft, comme la licence Art Libre, ou ensuite est venue la licence Creative Commons by Attribution Share Alike, d'une mainmise propriétaire sur la création. Donc ça, c'est déjà le présent. Aujourd'hui, si on veut vraiment exister dans l'écosystème de l'Internet, si on veut exister et créer en intelligence avec le matériau numérique, on crée des œuvres libres avec l'outil juridique qui le permet légalement. Et je pense que à partir de ce point de départ-là, en comprenant les raisons, parce qu'on n'est pas dans l'arbitraire, on n'est pas dans la gratuité, les licences libres de type GPL ou licence Art Libre pour la création artistique, ça n'est pas gratuit, ça n'est pas arbitraire, c'est raisonné et c'est le fruit d'une observation sensée et sensible de ce qui se passe comme création sur l'Internet. Création de l'Internet en tant que tel, puisqu'il faut rappeler que si l'Internet a pu émerger, c'est parce que au départ, ces principes conducteurs, notamment ce qu'ont pu instituer les requests for comment, ont été mus par ces questions-là de partage des données, d'interopérabilité et de d'économie au sens élargi. Non pas simplement l'économie restreinte à la question financière, mais vraiment le transport des capacités, des puissances que permet le réseau et le numérique. Donc si on comprend bien ça, si on voit finalement l'histoire qui a pu se faire très très récemment, hein, c'est 10-20 ans, pas plus, on est à même de pouvoir se projeter dans l'avenir et de ne pas aller dans le mur avec une loi Hadopi qui n'a pas observé, qui n'a rien compris de ce qui se passe matériellement. Parce que là, je ne suis pas en train de vous dire quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie. C'est là. Enfin, on est dessus, on est dedans. Ce n'est pas, c'est pas une alternative non plus. C'est déjà ce qui se passe réellement, matériellement, avec l'immatériel. Donc je pense que ça, c'est une première chose, c'est prendre conscience de ce qui s'est fait avec le logiciel libre, avec la création libre, et avec ce principe tout à fait intéressant du copyleft comme protection des auteurs communs et d'un bien commun qui doit être préservé pour le bien de chacun, enfin de chaque personne qui crée, et en même temps pour le bien d'une société. Il y a avec cette préoccupation du copyleft et que met en œuvre l'essence libre, une préoccupation de l'articulation entre une singularité libre et un commun qui comprend cette liberté. Merci. Donc, solution d'avenir. Donc, Benjamin, on vous écoute. Oui, alors si je peux réagir donc sur ce que disait à l'instant Antoine, ce que je trouve fondamental dans son discours, c'est que on se rend compte que tant les artistes que le public se trouvent responsabilisés finalement dans ce type de création et de diffusion des œuvres. C'est-à-dire qu'avec ces quelques siècles de gestion collective, finalement les auteurs créaient, puis leurs droits étaient gérés par d'autres. Le public, lui, n'avait les auditeurs ou les consommateurs n'avaient eux jamais de droits. C'est-à-dire qu'ils pouvaient juste écouter et profiter à un instant T de la musique. Et là, on se retrouve dans un schéma différent où les auteurs vont gérer individuellement leurs droits selon des termes qu'ils connaissent, finalement, qui sont les leurs. Ça, on en reparlera cet après-midi. Et le public, en face, va, lui, être confronté au choix de musique qui serait diffusée selon des termes qui leur permettent tel ou tel usage. Donc vraiment, il faut savoir ce qu'il en est. Est-ce que j'ai envie de respecter la volonté de l'auteur ? Et puis d'autres musiques ou d'autres biens culturels, d'autres œuvres qui, elles, seraient finalement sans aucun droit pour les individus, pour les utilisateurs ou pour les consommateurs, les détenteurs d'une copie. Donc je trouve ça assez intéressant et vraiment on passe d'un statut où on ne s'intéressait pas aux droits d'auteur. D'ailleurs, à mon avis, tout le monde s'en rend compte, il y a quelques années de ça, bon, peut-être un peu avant la loi des ADVSI, personne ne s'intéressait à la propriété intellectuelle, aux droits d'auteur et aux autres droits de propriété intellectuelle. Dorénavant, et encore plus avec l'actualité de la loi Hadopi, tout le monde s'est posé la question de bon, qu'est-ce qu'un auteur ? Est-ce que c'est normal qu'il ait une rémunération ? Est-ce que c'est normal qu'on puisse se voir couper sa connexion Internet et autres ? Donc voilà, c'était une réflexion que j'avais sur ce que disait Antoine. Après, pour le reste, j'ai d'autres points aussi que j'aurais aimé évoquer, mais je pense que c'est mieux de le faire en débat, en interaction avec... Ok, très bien. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, peut-être, monsieur Mo ? Non ? Oui. Pour être bref, sur la loi, enfin, tout à l'heure on parlait de décès ou pas par rapport au numérique, contrairement aux routes. Bah, je dirais sur les autoroutes de l'information et du multimédia, oui, il y aura des décès, car si tout le monde télécharge, si en plus les sites de diffusion en streaming ne reversent rien aux ayants droit, oui, on va tous décéder. Ce qui fait que là, je parle en tant que des labels que je représente, donc on n'est pas des majors. On n'a pas négocié des licences de millions avec Deezer et compagnie. Donc nous, on peut disparaître du jour au lendemain. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Donc pour nous, c'est très chaud. Concernant les solutions d'avenir, et ben, c'est mélanger tout, c'est faire tout ce qui existe. Il n'y a pas une solution. On en parle souvent entre nous. Il y a des solutions. Le physique n'est pas fini. Donc travailler avec les médiathèques, les librairies, travailler avec les disquaires, créer des disquaires, créer un disquaire itinérant, travailler sur Internet. Travailler en numérique, en physique, offrir du son, donner du son, faire des opérations promotionnelles et éduquer, informer le public pour savoir comment ça se passe, quel est le travail fait avec les artistes, auteurs, compositeurs et interprètes, comment ça se passe. Une production, par exemple pour Jaring, pour un groupe comme iTone, on a facilement 25 000 € de frais de production car on salarie tous les artistes et les techniciens. Donc en conséquence, derrière, il faut aussi des ventes. Il faut savoir, voilà, par rapport aussi aux licences libres ou pas, est-ce que les gens veulent vivre de leur métier? Donc à un moment donné, forcément, ça nécessite des revenus. Ou alors, ce sont des gens qui, passionnés de musique, ayant un boulot à côté, vont faire des licences libres, etc. On a, avec CD1D, on collabore justement avec des gens de la musique libre pour, par rapport à des bornes et aussi des échanges d'idées en tant que tels. Mais c'est vrai que les personnes qu'on rencontre ont tous un métier à côté. Et après, par passion, font de la musique sous licence libre, donc veulent la diffuser, développent des sites pour diffuser leur musique aussi, et ainsi de suite. Soutenir une action, je respecte entièrement la licence libre, quelle qu'elle soit. On pourrait même avoir des artistes sous licence libre. Après, c'est juste un problème après de respecter la licence en tant que telle, ou les licences, que ce soit auprès de la SACEM ou auprès d'autres licences. Mais voilà, nos métiers sont vraiment en difficulté, donc on doit innover, et après le problème de l'innovation, c'est qu'on nous enlève aussi des mains un peu notre travail qui a été fait, car vous prenez un abonnement téléphonique, vous avez de la musique offerte, plus ou moins offerte, on ne sait pas trop comment c'est rémunéré. À un moment donné, il y a de la musique de partout, et nous on voudrait simplement vivre de notre passion qui est notre métier. On essaye de vivre de notre passion, c'est pas évident, mais à l'heure actuelle on se fait avoir en beauté par l'industrie du disque, et c'est vraiment où il y a des grands fournisseurs d'accès ou des grands médias. Par exemple, Pascal Nègre d'Universal refuse que les FAI soient taxés, étant donné qu'Universal, qui appartient encore à une société encore plus importante, détient des tuyaux. Donc à un moment donné, on n'a pas envie de s'auto-taxer par rapport à une holding et tout ce qui va derrière. Nous, on est pour, mais voilà, on n'a pas les mêmes rapports, on n'a pas les mêmes économies. Et puis rien qu'avec le salaire d'un mois de Pascal Nègre, on pourrait faire plusieurs productions, c'est clair. Moi, je voulais juste... D'ailleurs, les majors ont commencé à s'intéresser au spectacle vivant, parce que justement, pendant des années, elles ont un peu délaissé ce côté-là. Et je pense que pour un artiste, l'intérêt, c'est quand même de se produire sur scène. Et que ça serait bien, justement, qu'au niveau de l'éducation, des bases déplacent un peu, mais qu'on éduque les jeunes à l'école de s'intéresser à avoir justement de la curiosité, la diversité musicale, plutôt que leur apprendre à souffler dans un pipeau, quoi. Et ce serait, et puis aussi de les intéresser justement à la découverte, parce que justement aujourd'hui les trois quarts de la musique, elle est consommée à la télévision, sur les gros médias, les radios. Donc justement à s'intéresser à quelque chose de plus intéressant, parce que Pascal Nègre prône toujours la diversité musicale et il dit qu'on va la tuer avec si on continue à télécharger, mais je pense pas qu'il soit vraiment pour la diversité musicale.